me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici comme chaque jour de cette semaine qu'on vise au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment peut-on parler à la fois du temple à Silo et affirmer que Yahvé a choisi depuis toujours Jérusalem comme endroit où faire habiter son nom, demande Thomas Römer. Comment le sanctuaire de Silo précède-t-il le temple de Jérusalem ? Quelle est l'histoire d'Élie et de ses fils ? Et comment, selon la formule consacrée, l'arche fut-elle prise après la victoire des Philistins ? Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, nous entraîne dans une grande enquête sur les transformations de la fonction originelle de l'arche dans le cadre de sa nouvelle série intitulée « L'arche d'alliance, mythes, histoires et histoires ». Dans une interview donnée au magazine Le Point en 2014, quand l'exégète philologue a publié son essai « L'invention de Dieu » aux éditions du Seuil, où il analysait la construction progressive et collective sur plusieurs siècles de Yahvé, Dieu en haut du ciel et en bas sur la terre, Thomas Römer rappelle, et je le cite, que les auteurs de la Bible ne sont pas neutres. Ils ont voulu imposer leur vision de l'histoire et du Dieu d'Israël. Ces récits ne peuvent donc être considérés comme des sources objectives. Mais à condition d'analyser la Bible comme n'importe quel document antique, les données qu'elle nous fournit sont essentielles car elles nous renseignent sur les différents contextes dans lesquels ces récits mythiques ont été élaborés. Évidemment, souligne-t-il encore, nous ne disposons que de faisceaux d'indices, ceux que l'on trouve dans les récits bibliques, dans d'autres documents, ainsi que les informations apportées par les découvertes archéologiques récentes. Mais la confrontation de tous ces éléments permet d'émettre des hypothèses valables pour cerner les origines et les transformations du Dieu d'Israël. L'histoire de l'arche que nous découvrons cette semaine s'inscrit dans cette perspective et nous confronte à cette approche minutieuse des textes bibliques, en particulier le livre de Samuel, croisé avec d'autres sources tout en faisant le point sur les différentes hypothèses d'interprétation. Alors la perte de l'arche par Israël relève-t-elle d'une volonté divine discrète et que s'est-il passé à Silo ? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 15 mars 2018 pour le cours de Thomas Römer, aujourd'hui, la perte de l'arche et la fin du sanctuaire de Silo. Avant que l'arche arrive chez les Philistins, nous devons terminer notre enquête. Comment elle a été pris et perdu de Silo. Silo, d'ailleurs, je ne sais pas très bien pourquoi on dit en français Silo, en hébreu c'est Shilo, en fait. Hein? Donc le sanctuaire de Shilo, vous le voyez environ à 15 km du nord, au nord de Bethel, un sanctuaire assez important de la. Disons, un lieu important, parce que le sanctuaire, malheureusement, on ne l'a pas encore trouvé. Donc on a fouillé ce lieu, un lieu qui peut-être veut dire le lieu où on demande des oracles, hein, avec la racine hébraïque Shaal, qui peut être aussi à l'origine du nom de Shaoul. Donc au niveau de l'identification archéologique, il n'y a aucun problème. C'est un lieu qui s'appelle donc aujourd'hui en arabe Kirbet Seiloun. Hein, donc là, il y a le nom qui est encore contenu dans le nom moderne. Et c'est un endroit assez stratégique, surtout sur l'axe ouest-est ou est-ouest, pas trop loin non plus de l'axe principal à travers des montagnes d'Éphraïm, donc du nord-sud. Donc, je vous ai dit, voilà la colline de Silo. Des fouilles ont été faites déjà dans les années 30 par une équipe danoise. Ensuite, dans les années 80, par Israël Finkelstein et Aaron Kempinski. Et très, très récemment encore, je vous dirai ça dans un moment, par des fouilleurs qui sont un peu curieux, je vous dirai ça tout de suite. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a des périodes d'occupation de ce site qui vont du bronze moyen, donc deuxième millénaire vers 1700 avant notre ère, jusqu'à l'époque byzantine, parce qu'on a aussi trouvé des restes donc d'une église byzantine. Donc apparemment, on a commémoré l'endroit aussi. Il y a un lieu où on commémore le tombeau du prêtre Élie. Donc un endroit assez important aussi pour le souvenir biblique, avec des occupations interrompues de temps à autre. Donc des bâtiments importants, des bâtiments de stockage qui ont amené surtout Israël Finkelstein de penser que voilà, ça pourrait être à proximité du temple. Parce que comme vous savez, les temples, c'est pas seulement des temples, c'est aussi des endroits très importants pour l'économie. Donc c'est des recettes d'impôts, c'est des endroits aussi où on stocke des aliments, etc. Donc ça pourrait être en effet une indication. On n'a pas encore trouvé le temple. Certains vont dire bah, on ne trouvera jamais parce que selon une certaine tradition biblique, il n'y avait pas de temple, il y avait le tabernacle. Donc vous savez, à la fin du livre de Josué, on dit c'est le tabernacle, le sanctuaire mobile, la tente, la rencontre qui serait placée là. Mais si on lit attentivement le récit de la naissance et de la vocation de Samuel, on se rend bien compte qu'il s'agit d'un temple. C'est pas une tente qui laissera pas de traces. C'est un temple, puisqu'on va parler même de la maison de Yahvé ou du Hechal, donc vraiment le terme technique. C'est assez clair. Maintenant, ce temple, à un moment donné, il a dû être détruit ou disparu. Donc il y a des traces entre le 11e, 10e siècle d'une destruction par le feu, probablement, ce que Finkelstein a appelé la destruction philistine. La chose un peu difficile, c'est que le récit de 1 Samuel 4, qui nous raconte comment en fait l'arche va disparaître du Silo, on dit que les Philistins ont évidemment remporté la victoire, mais on ne dit pas qu'ils ont détruit le sanctuaire de Silo. Question, pourquoi est-ce qu'on ne raconte pas ça ? Ce que raconte bien la destruction d'autres sanctuaires. Mais en même temps, il va y avoir destruction, je vous expliquerai ça dans un moment. Le texte de Jérémie 7 qui parle de la destruction du temple de Jérusalem présuppose aussi la destruction de Silo. Il y a des traces d'occupation encore au 8e, 7e siècle. Les fouilles de Finkelstein on conclut que ces traces n'étaient pas très très importantes. Maintenant, il y a des fouilles un peu plus récentes, mais on ne sait pas trop ce qu'il faut penser de ces fouilles, qui en fait vont insister sur le fait que l'occupation est plus forte au 8e, 7e siècle. Donc du coup, on pourrait imaginer que ce n'est peut-être pas les Philistins, mais que c'est les Assyriens qui aurait détruit le sanctuaire de Silo. Alors du coup, on voulait pas être anachronique, donc du coup, on n'aura pas raconté ça dans le récit de 1 Samuel 4. Ça, c'est en effet un argument possible. Alors je vous ai dit, il y a des fouilles actuelles qui sont faites par une sorte de consortium de milieux très évangéliques américains. C'est en fait un groupement qui est dédié à la démonstration que la Bible dit vrai, qu'elle est historiquement fiable. C'est ça, Association for Biblical Research. Donc il faut se méfier un peu de ces personnes. Néanmoins, bah, ils trouvent quand même des choses. Donc, du coup, faut un peu suivre. Mais leur but est, à mon avis, à mettre en question. Donc, je vous ai dit, Shiloh est un sanctuaire apparemment quand même important aussi dans la mémoire collective, parce que pour l'école deutéronomiste, donc les auteurs qui ont révisé à l'époque de Josias et après la destruction de Jérusalem, les livres de Samuel Roi, évidemment leur idée c'est qu'il y a un seul sanctuaire qui est légitime, qui est le temple de Jérusalem. C'est pour cela que Jéroboam est discrédité pour avoir fondé les sanctuaires de Dan et Bethel. Mais avec Shiloh, ils ont un problème. Parce que, d'un côté, ils incorporent les traditions sur Shiloh, et là, dans ces textes-là, comme je vous ai dit, on parle très clairement d'un temple. On dit, par exemple, dans le livre des Juges, le temple de Yahvé se trouva à Shiloh. Ou dans les textes de Samuel 1 Samuel 1 à 3, on parle de la Beth Adonai ou du Hechal Adonai, ce qui très très clairement est un temple, ce n'est pas une tente. Donc c'est vraiment une tradition séparée d'un bâtiment construit, considéré comme un sanctuaire. Donc du coup se pose la question, comment on peut à la fois parler du temple de Yahvé à Shiloh et ensuite affirmer que Yahvé a choisi depuis toujours Jérusalem comme l'endroit où il veut faire habiter son nom, où il veut faire être vénéré. Et cela, en fait, est élaboré surtout dans deux textes de Jérémie qui ont été aussi révisés par les rédacteurs deutéronomistes, bien qu'ils peuvent peut-être, en effet, avoir un noyau historique, parce qu'il y a quand même une annonce assez scandaleuse pour l'époque, à savoir l'annonce de la destruction du temple de Jérusalem, n'est-ce pas ? Ça se trouve dans le grand discours de Jérémie 7, qu'on appelle parfois le discours du temple, où le prophète va annoncer la destruction du temple de Jérusalem en disant « Bah, vous pensez qu'il suffit d'aller dans le temple et de dire « Voici le sanctuaire de Yahvé » en continuant de faire toutes sortes de magouilles, des choses éthiquement pas très correctes. Non, détrompez-vous, ce temple ne vous sera d'aucun secours. Hein ?» Donc en effet, le prophète ici annonce la destruction du temple, en disant, bah, vous pouvez bien vous vanter d'être dans la maison de Yahvé, en disant, mais croyez-vous que ce temple, qui est devenu une sorte de caverne de bandits, sera en effet votre protection? Non, ce ne sera pas le cas. D'ailleurs, ce sera repris, ce texte, par le récit dans l'Évangile, où en effet Jésus va non pas détruire le temple, mais d'une certaine manière aussi annoncer la destruction du temple et surtout chasser les vendeurs du temple, en citant en fait ce texte du livre de Jérémie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la manière dont on annonce la destruction du temple en disant « Allez donc au lieu qui fut le mien ». Le lieu qui fut le mien. Donc c'est Yahvé qui parle par la bouche du prophète, n'est-ce pas ? Il dit « Allez au lieu qui fut le mien ». Et alors quel est ce lieu ? Shiloh. Donc ça c'est quand même très très étonnant. Shiloh où j'ai fait habiter mon nom auparavant. Donc là l'idée c'est en effet que avant choisir Jérusalem, Yahvé a fait habiter son nom, donc sa présence à Shiloh. Et ce qu'il va dire, je vais traiter cette maison, donc là en parlant du temple, sur laquelle mon nom est appelé, comme j'ai traité Shiloh. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en effet que la destruction de Shiloh est présupposée auprès des auditeurs et interprétée évidemment comme étant non pas l'œuvre des Philistins ou des Assyriens, hein, mais l'œuvre de Yahvé, pour sanctionner son peuple. Donc là, même chose en Jérémie 26, parce qu'en Jérémie 26, on récapitule ce discours. « Je traiterai cette maison, donc toujours les temples de Jérusalem, comme Shiloh, et je ferai de cette ville un objet de malédiction. » Donc, ce qu'on peut voir dans ces deux textes, que Silo apparaît ici comme un sanctuaire qui était le prédécesseur de Jérusalem, ce qui est assez intéressant. Donc c'est un peu en contradiction avec Deutéronome 12, parce qu'en Deutéronome 12, on va dire c'est un seul lieu que Yahvé va choisir. Et évidemment, au moment où c'est écrit, c'est clairement Jérusalem, mais en même temps, il y a la réalité du sanctuaire de Silo qui apparemment avait quand même une importance très grande qu'on ne pouvait pas nier. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a en effet imaginé cette théorie que Yahvé avait d'abord choisi un autre sanctuaire, et ce qui est encore plus important, un sanctuaire qui est localisé dans l'ancien royaume du Nord, dans le royaume tellement honni par les deutéronomistes de Samarie. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, important, et ça vous montre aussi, en effet, l'importance de ce lieu de Silo. Alors, est-ce qu'on va trouver ce sanctuaire? On va voir ce que cette équipe d'archéologues va faire. Je ne comprends pas très bien, Pafa, non plus, l'État d'Israël, pourquoi on donne des possibilités de fouilles à des personnes. Mais bon, ce sera un autre cours sur archéologie et politique et idéologie. Ça, c'est un grand sujet. En Israël, c'est vrai. Bon. On revient à des choses plus sérieuses. La question de la famille de Élie. Donc, en fait, Silo, on nous dit qu'à Silo, en fait, est le prêtre Élie avec ses deux fils, donc Hophni et Pinchas. Donc, apparemment, ici, ce qu'on a, c'est une conception héréditaire de la fonction sacerdotale. Donc, ça se transmet de génération à génération, la même chose dans le Pentateuque avec Aaron et ses fils. Élie, évidemment, c'est un nom qui est assez courant. Élie, c'est une forme abrégée pour Elia ou Aliyahu, Aliyahu. Donc, c'est pas mon Dieu, c'est avec un Aïn. Donc, Yahvé élevé, nom qui est d'ailleurs attesté sur plusieurs sceaux qu'on a du 8e, 7e siècle. Ses fils portent des noms égyptiens. Hophni, probablement le Tétard, c'est un nom curieux, le Tétard. Et Pinchas, le Noir, le Nubien, qui est en effet le nom aussi pour le fils d'Éléazar, c'est-à-dire le petit-fils de Aaron, mais c'est très complexe. Après, c'est encore le père d'un autre Éléazar. Donc apparemment, c'est des noms très courants dans les milieux sacerdotaux. Très récemment, l'année dernière, on a trouvé à Jérusalem l'empreinte d'un sceau, donc dans les fouilles de la cité de David, l'empreinte d'un sceau, donc dans l'argile, où on trouve là aussi donc Pinchas, le nom biblique. Évidemment, ce n'est pas le Pinchas de l'histoire, parce que c'est un nom apparemment courant, parce que ça, c'est un sceau qui doit dater du 8e, ou l'empreinte doit dater du 8e, 7e siècle. Ce qui est un peu curieux, et qui demande en effet encore explication, s'il y en a, c'est pourquoi on a tellement des noms égyptiens dans les familles sacerdotaux. Bon, on l'a avec Moïse, Aaron, probablement, c'est aussi un nom égyptien. Et puis ici, Pinchas, Hophni, est-ce qu'il y a un lien avec quand même une sorte de connexion avec l'Égypte, ou est-ce que c'est simplement parce que l'Égypte a été toujours un peu dominant sur le plan culturel dans le Levant? Donc aujourd'hui c'est pareil, c'est pas parce que vous avez un prénom américain que vous êtes d'origine américaine, c'est parce que vos parents regardaient trop de feuilletons à la télé. Donc alors on sait pas très bien comment il faut comprendre ça, mais c'est vraiment une question qui peut être posée. Donc apparemment cette famille des Élie, c'était la classe sacerdotale à Silo. De nouveau, on ne sait pas très bien d'où ils viennent. Alors, il y a des spéculations très tardives. Dans le livre des Chroniques, ça pourrait être un descendant de Itamar, un des fils de Aaron, c'est aussi l'idée de Flavius Joseph. Selon 2 Esdras 1, pas dans la Bible, il sera plutôt descendant d'un Éléazar, aussi un autre fils de Aaron, et donc sans doute des spéculations tardives. Pour la descendance, nous allons voir, c'est la même chose. Donc la famille de Élie, sur le plan historique, n'avait aucun lien probablement avec la famille des Aaronides ou des Sadocides qu'on a essayé après aussi de mettre ensemble. Donc c'était en effet une famille sacerdotale liée au sanctuaire de Silo. Je pense que ce que veut dire notre récit de 1 Samuel 4, c'est en fait de montrer comment cette famille va s'éteindre. Mais elle ne s'éteint pas totalement parce qu'à la fin, mais ça, je vais vous montrer ça dans un instant, c'est un ajout, on va encore parler de la naissance d'un dénommé Ichavod, que la femme de Pinchas va enfanter après la nouvelle de la prise de l'arche. Et à partir de cela, on va avoir toute une sorte de spéculation, parce que beaucoup plus tard, en 1 Samuel 14, je vous ai parlé de ce texte où Saoul dit d'amener l'arche, il est question d'un dénommé Ahia, dont on va dire qu'il est le fils de Achitouv, le frère de Ichavod. Et donc on va le relier au sanctuaire de Silo. Ensuite, on va apprendre que Ahimelech, c'est un des prêtres qui, à Nov, va en effet cacher David, poursuivi par Saül, que lui sera également un fils de ce Achitouv. Mais on n'a jamais la généalogie. Et après, lorsque Saül fait massacrer la famille de Ahimelech, il y a un dénommé Abiatar qui va s'échapper au massacre et donc qui est en effet présenté comme étant le fils de Ahimelech. Donc, et c'est lui en fait qui ensuite va se mettre au service de David jusqu'à ce que Salomon va l'exiler dans la ville de Anatot. Mais il n'y a jamais de généalogie. On pourrait vous amuser de faire une généalogie avec ça, ça marche à peu près. Donc ça donne grosso modo cette idée-là. Probablement aussi spéculation tardive, parce que Abiata, a priori, n'a pas vraiment de lien généalogique, bien que les textes, avec la famille des Élides, bien que les textes maintenant veulent un peu le faire croire. Donc probablement à l'origine, c'était de montrer comment cette famille de Silo s'éteint avec la destruction du sanctuaire. Voilà, la capture de l'arche. Maintenant, il faut qu'on continue notre traduction. Il arriva lorsque l'arche de Yahvé, qui est le texte original, arriva au camp. Tout Israël poussa de grands cris. Donc vous vous souvenez, on avait fait chercher l'arche à Silo, et la terre s'ébranla. Les Philistins entendent dire le bruit de guerre, le bruit de cri de guerre, dans la Septante on dit simplement le bruit, et ils dirent « Que signifie le bruit de ce grand cri ou ce bruit dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de Yahvé était venue dans le camp. Les Philistins eurent peur. « Oui, disent-ils, un dieu. » Certains textes grecs disent « des dieux ». Pourquoi ? Parce qu'au verset 8, au verset suivant, ils vont parler des dieux. Donc c'était pour harmoniser. Mais dans le texte hébreu, c'est « un dieu est venu dans le camp ». Ils dirent « malheur à nous, car cela n'est pas arrivé depuis un certain temps, littéralement depuis hier ni avant-hier ». Et donc la Septante le traduit littéralement. On pense que cela fait allusion au bruit, mais ça peut être simplement faire aussi allusion au fait qu'ils ont peur et qu'il y a quelque chose qui les chagrine. « Malheur à nous, qui nous sauvera de la main de ces dieux ?» Maintenant, c'est au pluriel. « Puissants, ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens par un grand coup dans le désert. Fortifiez-vous, soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne deveniez des esclaves des Hébreux, comme ils étaient des esclaves pour vous. Soyez des hommes et battez-vous. » Donc tout ce qui est encadré par ce « A » exposé est absent dans le texte grec. Soit c'est tombé par accident à cause de la répétition du « soyez des hommes » ou, connaissez ça, c'est une technique rédactionnelle avec la répétition de la vie de Aufnahme qui montre que ce qui est entre les deux, c'est un ajout. On verra ça dans un moment. Les Philistins se battirent et Israël fut défait. Ils s'enfuirent, chacun à sa tente. Le coup fut très grand. Il tomba d'Israël 30 000 fantassins. Ça, c'est beaucoup, 30 000. Et l'arche de Dieu avait été prise, et les deux fils d'Élie étaient morts, Hophni et Pinchas. Donc probablement, les fils, à la fin, grammaticalement, ce n'est pas très joli. Le nom, c'est probablement un ajout, juste une précision, une glose, sans doute. Ce que vous pouvez aussi encore observer, c'est qu'on ne dit pas « les Philistins prirent l'arche ». On dit « l'arche fut prise ». Alors vous pouvez dire c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Pas tout à fait. Ça peut être un peu ce qu'on appelle le passif divin, parfois. Donc on ne sait pas très bien qui a l'origine de la prise de l'arche. Est-ce que c'est les Philistins? Ou est-ce que c'est peut-être quand même Yahvé? On reviendra là-dessus. Alors, maintenant, juste pour la diachronie, pour vous montrer que ce texte a sans doute été retravaillé. Première chose que vous pouvez observer, vous avez deux fois « malheur à nous hein, »,« malheur à nous », répétition, ou peut-être en effet ce qu'on appelle la reprise, la Wiederaufnahme, sans doute une manière pour les glossateurs de dire où il faut insérer l'ajout. Parce qu'il faut s'imaginer ça de manière tout à fait précise. Vous avez un manuscrit avec un peu de marge, souvent, et quelqu'un qui a dit « bon, on n'a pas le moyen maintenant de réécrire tout le manuscrit. Si je veux ajouter quelque chose, je fais quoi ?» Ben, aujourd'hui, c'est facile, mais à l'époque, vous prenez un ou deux mots, vous le mettez en marge, et vous mettez avec le mot ce que vous voulez rajouter. Comme ça, le copiste, plus tard, c'est... Parfois, c'est même, probablement même pas pensé qu'il faut aussi rajouter la répétition, mais les scribes, parfois, sont un peu fatigués, donc ils recopient tout. C'est pour cela qu'on appelle ça la Wiederaufnahme. C'est probablement comme ça que ça s'est passé. Donc, ça veut dire, en fait, que probablement, le verset 8 a été ajouté après coup. Pourquoi? Parce que, déjà, vous voyez une autre différence au verset 7... Les Philistins disent un Dieu, voire Dieu, parce que c'est Elohim en hébreu, pourra même le traduire avec Dieu majuscule. Il dit simplement Elohim ba, Dieu est venu. Alors qu'au verset 8, un glossateur s'est dit mais il faut qu'il parle comme des politistes, c'est des politistes, les Philistins. Donc on les fait parler des dieux. Et en même temps, on veut faire un parallèle avec la tradition de l'Exode. On va dire, voilà, c'est ces dieux qui ont en effet frappé les Égyptiens. Donc ils connaissent l'Exode, même s'ils sont des polythéistes. Mais ils ne connaissent pas tout à fait bien non plus, parce qu'ils disent qu'ils ont frappé les Égyptiens dans le désert. Ce n'est pas très précis. Et puis, vous avez un phénomène tout à fait comparable avec ces « soyez des hommes ». Vous avez deux fois « soyez des hommes ». Et si vous regardez ce qui est inséré entre les soyez des hommes, c'est de nouveau un lien avec l'Exode. Ne devenez pas des esclaves des Hébreux. Donc évidemment, ça fait allusion au fait que les Hébreux étaient des esclaves en Égypte. Donc on peut en effet penser que le texte original dans ce verset-là avait simplement « fortifiez-vous, soyez des hommes et battez-vous ». Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la diachronie. Évidemment, c'est comme toujours, je ne sais pas, parce qu'il y a 36 autres hypothèses. Il y a ceux qui disent que tout ce passage-là est une insertion. Qu'on aura simplement raconté l'arche arrive dans le camp, verset 4, et puis on aurait continué tout de suite, les Philistins se battent et remportent la victoire. Mais c'est une narration un peu plate, où il n'y a pas beaucoup de choses en fait qui se passent. Donc je pense quand même que mon hypothèse est meilleure. Voilà. Et encore une autre hypothèse qu'il faut combattre, qu'il faut falsifier, c'est l'idée que ces quelques versets, les versets 1 à 4 et 10 à 11, ça aurait été toute l'histoire de l'Arche. La première histoire de l'Arche, c'était ça. Il serait arrêté là. On aurait dit, il y avait la guerre, on a cherché l'arche à Silo. Les Philistins se sont battus avec les Israélites et les Philistins ont pris l'arche. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui pensent en effet que l'origine, le noyau de l'histoire de l'arche aurait été que ces quelques versets. Ils appellent ça une catastrophe, une Erzählung, un récit de catastrophe. Mais je trouve, c'est une théorie un peu catastrophique. Parce que comment on peut imaginer d'avoir 5 lignes, 5 versets qui vous racontent simplement qu'on a perdu l'arche et que les Philistins l'ont pris ? Même un peu curieux. Donc, je ne pense pas qu'on peut imaginer un contexte où on dit simplement ça. En plus, ce n'est même pas une histoire, c'est juste, voilà, les Philistins nous ont pris l'arche. Je ne sais pas si c'est très satisfaisant sur le plan narratif. Donc, je suis opposé à cette hypothèse, mais vous allez le trouver dans des commentaires tout à fait savants. Voilà. Alors, donc, je pense que ça fait partie d'une première. C'est le premier épisode, mais ce n'est pas toute l'histoire de l'arche. Le Collège de France et France Culture vous présente Thomas Römer dans le cadre de sa série L'Arche d'Alliance, Mythes et Histoires. Aujourd'hui, la perte de l'Arche et la fin du sanctuaire de Silo. Donc, reprenons un peu l'arrivée de l'arche. Donc, l'arche, quand elle arrive dans le camp des Israélites, elle provoque une réaction des Philistins, mais d'abord, elle provoque une réaction des Hébreux. Il y a une cri qui est poussée, un cri de guerre, teroua, hein, alors qu'ils ne sont pas encore en guerre, donc c'est un cri de guerre en joie. Mais en même temps, ce cri, évidemment, qui souvent, en effet, teroua est souvent utilisé dans des contextes militaires, ce cri va, en effet, attirer l'attention des Philistins. En même temps, il va faire trembler la terre, nous dit-on. Alors, soit on dit « c'est simplement une image pour préciser qu'ils ont crié tellement fort que voilà, tout a tremblé », mais en même temps, le tremblement de terre peut aussi renvoyer à des théophanies, à des révélations des dieux. Donc, lorsqu'un dieu arrive, la terre tremble. Par exemple, en Juges 5, Yahvé, quand tu es sorti de Séir, quand tu t'es avancé venant des champs d'Édom, la terre a tremblé. Donc, ce tremblement de terre peut être aussi une sorte d'allusion pour dire, avec l'arche, en fait, c'est Yahvé même qui est venu dans le camp des Israélites, mais qui sont appelés ici par les Philistins des Ivrim, des Hébreux. Alors, certains parmi vous, certains connaissent le grand débat sur le lien ou pas entre le mot Ivri et les fameux Rapirou, qui sont attestés à Amarna et ailleurs. Certains sont totalement opposés à ce lien. Je pense qu'il y a quand même un lien. Et puis, s'il y a ce lien, ben, vous savez que le Rapirou, en fait, ce n'est pas un terme ethnique. C'est un terme plus sociologique. C'est un terme des marginaux, des mercenaires, des gens qui sont un peu en marge de la société. Et donc le fait que les Philistins appellent ici les Israélites les Ivrim pourrait presque avoir un peu une sorte de connotation un peu péjorative. Oh, c'est bon à rien, ces Ivrim. D'ailleurs, on peut observer, quand vous regardez un peu la concordance, qu'il y a trois endroits, surtout dans la Bible, où on utilise le terme Ivrim pour hébreu. C'est dans l'histoire de l'Exode, dans l'histoire de Joseph, et ici dans l'histoire de l'Arche. Et c'est souvent dans la bouche des autres, dans la bouche soit des Égyptiens, soit dans la bouche des Philistins. Ici, on pourra aussi se poser la question si ce n'est pas justement un peu lié avec cette révision un peu exodique de la réaction des Philistins. Donc, je vous ai dit que au verset 8, notamment, et une partie du 9, vous avez ces allusions à l'Exode. Est-ce que c'est ça ce qui a aussi provoqué l'utilisation de ce terme Ivrim, hein, puisque là aussi les Égyptiens vont appeler les Israélites des Hébreux. Donc, on montre qu'au verset 8, ils sont des polythéistes, ils parlent des dieux, mais ils disent des dieux qui ont frappé l'Égypte dans le désert. Ça, c'est aussi un peu curieux. Pourquoi dans le désert? Est-ce qu'il y avait à frapper? Et c'est la même racine, hein, la racine Nacha, qui est fréquemment utilisée dans l'histoire de l'Exode. Est-ce qu'il y avait à frapper l'Égypte dans le désert? Est-ce que c'est juste? Oui et non, on pourra dire, parce qu'il est quand même dit, en ce qui concerne la traversée de la mer, que c'est en fait dans le désert où ça se passe. Dieu détourna le peuple vers le désert, en direction de la mer du Jourdain. Donc, le désert, c'est pas tout à fait faux, mais évidemment, le texte ici parle peut-être aussi de plusieurs coups, pas la totalité des coups. Donc, on peut se dire, on veut montrer à la fois que les Philistins connaissent quelque chose, mais en même temps, ils sont pas totalement au courant de tout. La victoire des Philistins, elle est relatée très brièvement, très très sobrement. La fuite est en fait relatée de manière beaucoup plus détaillée. Chacun s'enfuit vers sa tente. Donc ça ne veut pas dire la tente du camp, hein. C'est évidemment les habitations. Ça ne veut pas dire que les gens à l'époque habitent encore sous des tentes. C'est sans doute une expression un peu stéréotypée qui peut venir en fait en contexte nomadique, mais qui est devenue une sorte d'adage, comme vous l'avez aussi en 1 roi 12, lorsque les tribus du Nord trouvent que le successeur de Salomon leur offre pas des conditions qui leur permettent de rester dans ce royaume, ils disent « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons plus rien en commun avec le fils de Jessé. À tes tentes, Israël, donc retournez chez vous, hein, comme c'est dit aussi ici. » Comme je vous ai déjà dit, 30 000, ça fait beaucoup. C'est certainement un nombre exagéré. Alors, ce qu'on peut observer, mais là, de nouveau, il faudra encore trouver une explication que je n'ai pas pour le moment, on peut observer que ce chiffre est souvent utilisé. Hein. Par exemple, en Josué 8, lorsque Josué attaque Haï, on retrouve même chiffre pour les victimes du côté des ennemis. L'armée de Saül, il y a 30 000 du côté d'Israël, 30 000 du côté de Juda. On parle de 30 000 chars des Philistins en 1 Samuel 13. Même nombre pour l'armée de David. Et encore 30 000 Israélites comme corvéables de Salomon. Donc il y a quelque chose avec les 30 000. Voilà, si quelqu'un a une idée, qu'il me dise. Moi, je ne sais pas. J'ai fait le constat, donc c'est un chiffre rond. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus spécifique derrière? Ça, c'est une question que, pour le moment, on doit laisser ouvert. Comme je vous ai dit, la perte de l'arche, elle est donc mise au passif. L'arche fut prise, hein, ce qui pourrait en effet vouloir dire que il y a une allusion, peut-être quand même, à une sorte de volonté divine qui reste évidemment discrète, mais on ne dit pas les Philistins ont pris l'arche. Donc ça, c'est quelque chose, en effet. D'ailleurs, c'est jamais dit, même dans la suite. Toujours l'arche a été prise. Quand même intéressant. Donc la prise de l'arche, on va le voir en détail encore. C'est évidemment une coutume qui est assez fréquente, à savoir le vainqueur déporte les objets cultuels du vaincu. Hein, ça, c'est quelque chose. Qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parfois des musées ou autre chose, mais voilà, donc il y a apparemment des réflexes qui sont atemporels. Et vous l'avez déjà dans la stèle de Mécha, le roi dit « J'ai emporté de Nebo, donc, qui était occupé par les Israélites, qui l'a donc vaincu, les vases, les ustensiles de Yahvé. » D'ailleurs, une des premières mentions de Yahvé en dehors de la Bible. « Et je le traînais devant la face de Kemosh. » C'est exactement ce que font les Philistins ici. Hein. Donc, ils prennent en fait l'arche et ils l'amènent donc dans le temple de Dagon. Les fils d'Élie, ils sont mentionnés à la fin, donc on dit les fils d'Élie moururent, et ça renvoie au début, parce qu'au début ils étaient avec l'arche, donc ils encadrent en fait, si vous voulez, tout le récit sur la prise de l'arche. Hein? Donc apparemment au début ils étaient assis là avec l'arche, ils ont accompagné l'arche, et donc pendant la guerre ils sont morts. Ce qui est intéressant ici, c'est que leur mort n'est pas présentée ici comme une punition. Alors, si vous lisez les chapitres 2 et 3, il y a beaucoup d'oracles contre Élie et ses fils, où on dit, voilà, parce que tes fils ne se sont pas comportés comme il faut, parce qu'ils ont piqué les parts les plus agréables au moment des sacrifices, donc je vais faire passer mon jugement sur toi et sur tes fils. Donc, il y a plusieurs fois, il y a trois fois, dans les chapitres 2 et 3, cette annonce. Et ici, on aura pu dire, c'est pour que s'accomplit la parole, etc. Et on ne le dit pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que probablement, ça, c'est le récit plus ancien, hein, dans lequel, en fait, il n'y a rien dit de négatif, ni sur Élie, ni sur les fils. Et c'est seulement dans les chapitres 2 et 3, qui maintenant précèdent cette histoire de l'arche, qu'on a essayé d'expliquer la mort en trouvant en fait des fautes, surtout des fils, pour pouvoir expliquer leur disparition. Mais si vous lisez que ça, le récit est totalement compréhensible, mais vous voyez aussi que, en fait, rien n'est dit d'une quelconque culpabilité de cette famille. C'est simplement le récit de la disparition de la famille des Élides. Donc d'abord, précédé par la mort des fils, on va maintenant arriver à la mort de Élie. Un homme de Benjamin courut durant de bataille. Il arriva à Silo le même jour. Ses vêtements déchirés, il avait de la terre sur la tête. Il arriva et Élie était assis sur la chaise près du chemin, ou selon le grec, près de la porte, guettant, mitzpé, donc c'est comme mitzpa. Son cœur était anxieux au sujet de l'arche de Dieu. Quant à l'homme, il était entré dans la ville pour annoncer, et toute la ville se mit à crier. Élie entendit le bruit du cri, et il dit, « Que signifie le bruit de ce tumulte ?» Alors l'homme accourut, il arriva, et informa Élie. Élie avait 98, selon le grec, et selon le texte massorétique, selon le grec 90, selon le syriaque 78. Voilà. Et il dit que. Élie avait 98 ans et ses yeux étaient littéralement élevés, rigides, exorbités, et il ne pouvait plus voir. Et là, il y a une autre variante dans le grec, où il n'est pas fait allusion à la cécité de Élie, où il est simplement dit, Élie dit aux hommes qui l'entouraient, qu'est-ce que signifie le bruit de ce vacarme? Et l'homme accourut et arriva. Donc, en fait, c'est une répétition dans le texte grec, comme si on avait, en fait, voulu mettre ensemble deux variantes. L'homme dit à Élie, je suis venu du rang de bataille, et je me suis aujourd'hui enfui du rang de bataille. Il, donc Élie, dit, qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Le porteur de la nouvelle répondit, il dit, Israël s'est enfui devant les Philistins. D'ailleurs, la défaite a été grande pour la troupe. D'ailleurs, c'est toujours gamme. D'ailleurs, tes deux fils sont morts, Hophni et Pinchas, donc le nom peut être ajouté, et l'arche de Dieu a été prise. Donc en fait, la catastrophe la plus grande, ce n'est même pas la mort des fils, hein, c'est l'annonce de la prise de l'arche. Et ce qui évidemment est confirmé dans le verset suivant, lorsqu'il mentionna l'arche de Dieu, selon le grec, c'est lorsque Élie se souvient de l'arche de Dieu. Là, dans le texte hébreu, c'est le messager qui mentionne Élie à la réaction. Dans le texte grec, c'est deux fois Élie qui est sujet. Lorsqu'il mentionna l'arche de Dieu, il tomba de la chaise en arrière, à côté de la porte. Ce n'est pas tout à fait clair. Il se brisa la nuque et mourut. En effet, l'homme était vieux, et un peu obèse, lourd, donc cavote, c'est lui qui avait jugé Israël durant 40 ans. Ça, c'est bizarre aussi. Le grec dit 20 ans. Voilà. Qu'il a jugé Israël, c'est un peu curieux, parce qu'il est prêtre, il n'est pas juge. On va revenir là-dessus. Bon, revenons d'abord au messager. Ça, c'est aussi très curieux. Évidemment, c'est un thème littéraire, le porteur de mauvaises nouvelles. Hein, pensez à l'histoire de Job. Hein. Job, bah, qui voilà, vague ses occupations, tout d'un coup, il a droit à toutes sortes de messagers qui lui annoncent des choses de plus en plus horribles. Donc, messager porteur de mauvaises nouvelles, c'est pas quelque chose d'étonnant. Par contre, un messager qui vient de Benjamin, hein, ça, c'est déjà un peu étonnant. Et donc, il vient du champ de bataille jusqu'à Shiloh. Mais où est-ce qu'il est passé? Donc, il y a toute une discussion rabbinique sur le chemin exact. Est-ce qu'il aura été deux fois? Est-ce qu'il était à Benjamin pour revenir? Donc, il y a toutes sortes de calculs qui, parfois, lui font parcourir plus que 300 kilomètres. En fait, la distance, grosso modo, entre l'endroit où a eu lieu la bataille et Shiloh, c'est de 42 kilomètres. Ce qui fait un marathon. Et aujourd'hui, vous pouvez faire le marathon. Hein, parce que chaque année, il y a The Bible Marathon. Donc, vous pouvez courir de Shiloh. Donc, si vous n'avez rien à faire au mois de septembre, inscrivez-vous. C'est mieux qu'aller à New York. Hein, donc, vous allez à Shiloh. Et, non, disons, vous allez à l'endroit, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, et vous courez jusqu'à Shiloh. 42 kilomètres. Voilà. Donc, voilà, le marathon est aussi attesté dans la Bible, si vous voulez. Alors, mais ce qui est plus intéressant, c'est l'identité du messager. L'identité. Il est benjaminite. Et bon. Alors, pour la tradition juive, c'était facile. Qui est benjaminite dans la suite du livre de Samuel? C'est Saül. Donc, en fait, dans la tradition rabbinique, le messager, c'est Saül. Le messager, c'est Saül. Et dans un texte qu'on appelle le pseudo-philon, c'est-à-dire Liber Antiquitum Biblicarum, un texte du 1er siècle de l'ère chrétienne écrit en latin, mais certains pensent qu'il y a peut-être quand même un original hébreu. Donc apparemment, c'est quand même d'origine juive, donc une sorte de midrash hein, qui nous est transmis en latin. L'idée, en fait, c'est que Goliath avait pris l'arche, donc Goliath est là aussi déjà. Goliath avait pris l'arche, mais Saül, en fait, était à côté, pouvait s'enfuir. Et dans le Midrash, Samuel, on dit même qu'il avait réussi à, en fait, sauver les tables de la loi, qu'il aurait ensuite amené à Shiloh. Bon, évidemment, vous voyez que c'est très très joli, mais le texte n'en dit rien. Hein, le texte n'en dit rien. Le texte dit simplement que c'est un benjaminite. Donc, peut-être sur le plan historique, c'est intéressant parce que on pourrait imaginer que Benjamin, c'est la frontière la plus éloignée d'Israël. À ce moment-là, peut-être c'est un contexte de rédaction de cette histoire où Benjamin, en effet, fait partie du royaume du Nord. Hein. À ce moment-là, on aurait une indication de pouvoir dater le premier récit. Bon, je pousse un peu dans mon sens, je vous l'avoue, mais ça pourrait en effet être un argument pour dire que le premier récit, et puis je vous donnerai d'autres, aurait été rédigé sous le règne de Jéroboam, le second. Et puis, évidemment, aussi, une autre observation, il vient de Benjamin, où l'arche finalement arrivera. Elle arrivera à Kiryat Yearim, qui est aussi en territoire benjaminite. Donc c'est presque comme si on voulait déjà un peu annoncer où finalement l'arche va arriver. Alors, ce que le messager dit, c'est très très proche de ce que vous avez en 1 Samuel 1, lorsqu'il y a un autre messager qui arrive pour dire à David que Saül et Jonathan ont été tués. Donc c'est probablement un lien littéraire. Souvent on pense que l'auteur de 2 Samuel 1 se soit inspiré de ce récit. Mais c'est vraiment la même chose. Défaite militaire à annoncer avec la mort des personnages qui sont très importants pour celui qui entend le message. Dans les deux cas, on dit les vêtements déchirés, la tête sur la terre. Est-ce que c'est simplement parce que voilà, il échappe du champ de bataille? Est-ce que c'est un signe de deuil, hein, comme le fait Job? De nouveau, vous pouvez le lire sur les deux niveaux. Alors, le messager arrive auprès de Élie. Ce qui est intéressant à mentionner, Élie est assis sur une chaise, mais littéralement, c'est qui sait? C'est un trône. C'est un mot assez spécifique qui presque toujours est utilisé pour le roi. Il n'y a que ces deux autres textes, une fois pour un prophète et une fois pour un prêtre, qu'on a détourné l'utilisation première. Donc probablement c'est une sorte de siège d'autorité. Alors où est-ce qu'Élie se trouve précisément? Le texte n'est pas très clair. Certains disent il est sur le chemin qui mène vers la ville. Mais ça ne colle pas très bien avec la suite de l'histoire, hein, parce que les gens entendent déjà ce que raconte le messager et Élie ne sait pas ce qui se passe, donc je pense que ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que c'est à la porte de la ville, aussi difficile, ou est-ce que c'est à l'entrée du temple? Et je pense que c'est la dernière solution qu'il faut préférer, parce que d'ailleurs on a la même expression en 1 Samuel 1, lorsque Anne va voir Élie, on dit précisément la même chose. Le prêtre Élie était assis sur son trône, sur sa chaise, à l'entrée du temple de Yahvé. Donc l'homme est déjà entré dans la ville et c'est seulement le bruit qui fait demander à Élie ce qui s'est passé. La suite de l'annonce du messager, de nouveau, a de nouveau des parallèles avec l'histoire de 2 Samuel 1. Il annonce trois catastrophes, la défaite, la mort des fils, comme la même chose, même question, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi mon fils. Donc David demande exactement la même chose. Et puis le messager commence avec la défaite et puis la mort, donc là des deux fils, là la mort de David et Jonathan. Le plus ici, évidemment, c'est la mention de la prise de l'arche qui apparaît en dernier, et de nouveau avec le passif. C'est toujours l'arche a été prise. Alors la mort d'Élie, comme il faut l'imaginer exactement, les commentateurs ont spéculé beaucoup, parce que c'est pas très clair le texte hébreu, le texte grec essaie de le clarifier un tout petit peu. Alors ce qui certainement fait pas partie de l'histoire originale, c'est le fait qu'il a été juge pendant 40 ans. Donc ça, c'est en effet, pour ceux qui connaissent un peu le texte biblique, c'est dans les livres précédents. On dit toujours un tel jugea Israël durant telle année. Donc juge dans le sens, pas simplement juridique, mais dans le sens un peu de gouverner, d'être en fait le chef. Là, on va faire de Élie un juge pour le raccrocher d'une certaine manière encore à l'époque des juges. Et d'une certaine manière aussi prédécesseur de Samuel, que lui est aussi qualifié de juge. Donc Samuel un peu comme successeur. Mais dans la narration, il est clair que Élie n'est pas du tout une figure de juge. Donc c'est simplement pour faire un lien entre cette histoire et le livre de juge. De nouveau, comme je vous ai dit, comme pour ses fils, la mort d'Élie ici n'est pas présentée comme étant un jugement divin. Et probablement l'histoire, première partie de cette histoire, s'est arrêtée là, mais on a ajouté une sorte d'épilogue qui est le récit de la naissance de Ichabod. Donc Élie est mort, sa belle-fille, la femme de Pinchas, donc un de ses fils, était enceinte, sur le point d'accoucher, lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu et de la mort de son beau-père et de son mari, elle s'est mise et accoucha, car ses contractions étaient venues sur elle. Au moment de sa mort, celle qui était debout près d'elle, donc les sages-femmes, dirent « Ne crains pas, tu as accouché d'un fils ». Mais elle n'avait pas répondu et n'avait pas prêté attention. Et elle appela le garçon Ichabod, disant « La gloire a été déportée d'Israël ». De nouveau, un peu une formulation passive, « à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et à cause de son mari ». Cette partie-là manque dans la Septante parce que c'est répété au verset 22 et c'est la fin. Elle dit « La gloire a été déportée d'Israël, puis l'arche de Dieu a été prise ». Donc ce passage est sans doute ajouté pour expliquer que la lignée des Élides, malgré la mort du prêtre Élie et de ses deux fils, se poursuit. Donc ça, c'est tous ces petits textes que je vous ai montrés tout à l'heure, où tout d'un coup, on va trouver un fils de Ichabod, et puis du coup, Pinchas va avoir encore un frère. Donc on veut quand même garder d'une certaine manière à la fois le mémoire des Élides, mais peut-être aussi faire un lien avec la famille de ce fameux Abiata dont je vous ai parlé. Donc, pour raconter cela, on reprend un motif tout à fait traditionnel, à savoir la mort d'une femme en couche. Donc ça, c'est quelque chose tout à fait connu. Vous pouvez penser à Rachel, Rachel qui meurt au moment de la naissance de Benjamin, de son dernier fils. Et ici, le nom de Ichabod. Ichabod, c'est donc deux possibilités. Le « et », parce que c'est un « aleph » avec un « yod », ça peut être soit une exclamation « hélas, la gloire », donc ce qui veut dire « la gloire a disparu, est partie », ou simplement comme une question « où », parce que c'est aussi peut-être une particule interrogative, à Ougarit, c'est clairement le cas, « où est la gloire ?» Comme Job, souvent le nom de Job est en effet interprété dans le même sens, « Iyov », où est le Père divin. C'est lui qui ne répond pas justement aux plaintes de Job. Donc ce sera un nom comparable. Et c'est tout à fait possible qu'au moment de l'exil ou après l'exil, on a compris l'histoire de l'arche comme une sorte de symbole de l'exil du peuple. L'arche qui est en effet emportée d'Israël, amenée en pays ennemi, et qui finalement va revenir. Je pense qu'à un moment donné, on a pu en effet comprendre l'histoire de l'arche dans ce sens-là. Évidemment, ce n'était pas le sens premier, mais ça vous montre les relectures possibles. Et puis, maintenant, l'arche, elle va arriver en territoire philistin, à Ashdod, dans le temple de Dagon, où elle va en effet faire un certain nombre de malheurs. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Thomas Romer le 15 mars 2018 dans le cadre de sa série L'Arche d'Alliance, mythes, histoires et histoires. Aujourd'hui, la perte de l'Arche et la fin du sanctuaire de Silo. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Romer. Il a publié au Seuil L'invention de Dieu et tout récemment sur des dessins de Léonie Bischoff, Naissance de la Bible, comment elle a été écrite aux éditions Le Lombard, collection La Petite Bédéthèque des Savoirs. Un grand merci à Marguerite Maubert et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons notre enquête sur l'Arche d'Alliance en compagnie de Thomas Romer. Il sera question de l'arrivée de l'Arche en territoire philistin et des conséquences funestes de cette installation en terre ennemie. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.